Chapitre 5. Deux artistes. Nous sommes à Naples et nous avons besoin de le constater. Le lecteur saura pourquoi tout à l'heure. Et qui mieux est, nous sommes à la pension suisse. Il est minuit. Deux voyageurs viennent d'arriver. Ils ont été amenés par une barque et ils viennent, disent-ils, de l'île de Capri. Cette île s'élève au milieu de la baie de Bahia. Elle est constamment fréquentée par des artistes français, des peintres surtout. Les deux voyageurs annoncèrent qu'ils étaient l'un sculpteur et l'autre paysagiste, tous deux espagnols. Ils affectaient de parler l'italien avec un accent catalan très prononcé. Ils savaient le français du reste, car l'un d'eux fit une observation en cette langue à son compagnon. Ils demandèrent à souper au moment où Armand entrait avec ses convives. L'autre parut embarrassé, s'attendant peu à donner un repas par ailleurs pour 6 personnes. Après avoir réfléchi, il fit une offre. « Messieurs, j'ai une poularde froide qui peut faire le fond d'un souper. Voulez-vous souper en table d'hôte ? Cela vaudra mieux que de découper cette remarquable volaille en 2 parts, ce qui ne serait plus présentable. » Armand regarda les voyageurs qui, de leur côté, l'examinaient. Ils avaient des figures spirituelles et semblaient gens bien élevés. Armand eut un sourire qui était un acquiescement. Les voyageurs saluèrent de leur côté. « Ma foi, messieurs, dit Armand, il me semble que vous avez bonne envie d'accepter. Moi aussi, mes amis, de même. Et nous avons grand faim. Les sorbets italiens donnent appétit. À table, si vous le voulez bien. » Le souper fut servi rapidement et la conversation s'entama au champagne. Les deux artistes restaient un peu sur la réserve, écoutant, souriant, approuvant, très affables, mais ne disant pas grand-chose. Toutefois, le sculpteur ayant entendu faire une allusion au duel d'Armand avec Nello, il demanda « Suis-je indiscret, messieurs, en vous priant de me dire si c'est bien du chevalier Nello qu'il s'agit comme adversaire de monsieur ?» Et il montrait Armand. « Oui, monsieur, dit Belgioso. Et monsieur sait quelle est l'adresse inouïe de Nello à l'épée. Nous serions impardonnables de la lui avoir laissée ignorer. » « Et vous vous battez quand même, monsieur ?» demanda l'artiste. « Mais oui, dit Armand. » Le sculpteur se leva et s'inclina profondément devant Armand, qui lui rendit son salut. Mais il semblait si profondément étonné que le sculpteur lui dit « Monsieur, j'admire les supériorités en tout genre. Or, vous êtes aussi fort à l'escrime que le chevalier Nello ou d'une bravoure insensée. Dans les 2 cas, je vous félicite. « Monsieur, dit Armand, je suis tout simplement un frère qui veut faire respecter sa sœur. » À partir de ce moment, les deux artistes observèrent Armand avec la plus grande attention. Ils s'informèrent du lieu du combat et des conditions, puis on en vint à parler de Fulminante. « S'il allait venir interrompre notre duel, fit Armand. « Pourquoi cela ? » demanda le sculpteur. « Dire qu'il sera enchanté d'y assister, cela est probable, mais vous troublez, étant donné son caractère, cela m'étonnerait beaucoup, moi qui le connais. « Vous le connaissez ? » fit-on. « Beaucoup. « Mon ami a fait son buste et moi son portrait, dit le peintre. « Dans les montagnes ? Demanda-t-on. « En pleine montagne. « Voilà une singulière aventure, fit Armand. Puis il ajouta, « Et moi qui souhaitais le voir ? Je vous donnerai, si vous voulez, une lettre de recommandation, dit le sculpteur. « Volontiers et 1000 grâces, répondit Armand. Puis il demanda, « Mais comment votre rencontre s'est-elle faite ? Je vous prie, messieurs. « Oh, très simplement, dit le sculpteur, nous avons été invités par lui-même. Un jour, à Capri, dans la campagne, nous avons été abordés, au moment où nous prenions des croquis, par un jeune homme qui nous semblait bien élevé. Nous avons causé d'un paysage que mon ami voulait peupler de brigands. Notre interlocuteur nous a demandé, « Voudriez-vous voir de vrais brigands ?» Et les peindre au naturel ?« Oui, certes, avons-nous dit. « Messieurs, a-t-il fait, je suis le Fulminante. Si vous trouvez que moi et ma bande en valons la peine, je vous ferai prendre un séjour par un homme sûr et vous serez mes hôtes pour quelques semaines. » Ainsi fut fait. « Est-ce un beau garçon, ce brigand ?» demanda Armand, très intéressé. « Ni beau ni laid, un type. » Et les deux artistes racontèrent leur pérégrination avec la bande. Toutefois, le récit fut écourté sur les observations de Belgioso. Il fallait qu'Armand dormît. On se sépara en se donnant rendez-vous sur le terrain.